La polémique autour du patrimoine des chefs d'État africains a enflé depuis le 31 janvier 2008, où le journal français Le Monde a publié un article sur la question. Le Monde s'est procuré 34 procès-verbaux rédigés à l'issue d'une enquête par les policiers de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Enquête ouverte par le parquet de Paris en juin 2007 suite à une plainte pour, je cite, « recel de détournement d'argent public par trois associations françaises ». Des plaintes qui concernaient cinq chefs d'État africains, à savoir le président Omar Bongo du Gabon, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Burkinabé Blaise Compaoré, l'Angolais Eduardo dos Santos et le Guinéen Teodoro Obiang. Chefs d'État africains, producteurs de pétrole pour la plupart, mais dont les populations comptent parmi les plus pauvres de la planète, précise Philippe Bernard, l'auteur de l'article. Rapportant les conclusions de l'enquête, l'article répertorie quelques biens appartenant à la famille du président Bongo, pour ne citer que son cas. Lui qui dirige le Gabon depuis 40 ans. 33 biens constitués pour l'essentiel d'appartements, d'hôtels particuliers, de maisons et de comptes bancaires qui s'évaluent globalement en milliards d'euros. Au chapitre des réactions aux conclusions de la plainte et de l'enquête, Maître François Meyer, avocat d'Omar Bongo et de sa famille, explique. Un chef d'État en fonction depuis 40 ans dans un pays pétrolier qui a des revenus officiels importants peut économiser suffisamment d'argent pour acheter plusieurs appartements à Paris. Surtout avec les prix très bas de l'immobilier pratiqué il y a 20 ou 30 ans, le président congolais, quant à lui, a fustigé le 5 juillet sur le perron de l'Élysée après une visite au président français, les relents de néocolonialisme et de racisme qu'évoque pour lui la plainte. Tous les dirigeants du monde ont des châteaux ou des palais, qu'ils soient du Golfe, d'Europe ou d'Afrique, se défendait-il. Pour les enquêteurs, il s'agissait sans doute de saisir l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a tenu le discours de la rupture dans les relations entre la France et l'Afrique. Mais à l'évidence, l'ancrage de la France-Afrique a survécu à la tempête de la rupture, car ainsi que l'écrit Philippe Bernard, M. Sarkozy a multiplié les gestes montrant la continuité des bonnes relations entre la France et les pays concernés. Lors de son premier voyage officiel en Afrique, en juillet, il a choisi de faire étape au Gabon, dirigé depuis 40 ans par Omar Bongo, et s'est montré plus généreux que le Trésor ne le proposait pour annuler la dette de ce pays. Reçu à l'Élysée, M. Sassou Nguesso a bénéficié lui aussi d'une aide française accrue pour le Congo. Dans la plupart des journaux africains, les éditorialistes et autres commentateurs s'indignent des avantages et privilèges excessifs dont bénéficient ces chefs d'État. Pour certains, le flou entretenu sur leur patrimoine suffit à accréditer les éléments d'enquête relayés par le journal Le Monde. Mouamadou Oumfa, depuis Yaoundé au Cameroun, pour Afrique Plus, Radio CHUFM.